Wesh les mecs, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On se met à l'aise. Ouais, jeudi soir comme gars. Hein. Toujours en train de kicker, call off. Venez, on sort, on enfile les chemises là. Vas-y, Cordo, lâche la manette là. Vas-y, je démarre la Skoda, les mecs. Allez, c'est bon, mec, j'attends. On se recale, le feu rouge, bordel. Qu'est-ce que tu me parles de feu rouge, toi? Eh les gars, c'est qui le vigile là? Je l'aime pas, lui. Je sais pas, je sais que ça fait. Eh, par contre, les mecs, à ce que je vois, y'a de la meuf. Oh, y'a de la meuf. Jeudi soir à Dijon, c'est yeah, je vois les gens se frotter entre eux, en vieux sont ceux qui se trouvent encore à l'entrée. Je me pose à la table sur la tête de GP, serre un verre à mes frères et moi-même et nos frères. Ma jeunesse est au rendez-vous, ça mouille le maillot. Les tasques qui me donnent envie de gerber mon ketchup mayo. À ceux qui ont la classe, on espère choper des numéros et oublier au jet, espère ressortir avec le barreau. Sur la piste de danse, j'improvise quelque part jusqu'au moment où j'entends mon place quelque part. C'est des photos que je croise et qui m'appellent, qui me chauffent pour que je foute le bordel sur la scène. J'ai la patate, à moitié rapate, le DJ m'a sorti une ambiance pour la boîte. La scène est libre, passe-moi le mic. Tous les bras en l'air, on est ensemble pour la night. Je veux entendre tout le monde dire, c'est chaud. Je veux voir sourire tout tes potos. Bras en l'air et tout le monde fait oh, oh, oh, oh. Je veux entendre tout le monde dire, c'est chaud. Je veux voir sourire tout tes potos. Bras en l'air et tout le monde fait oh, oh, oh, oh. Ce soir on m'a confié la salle, l'ambiance va donc être spéciale. Cherche pas de sens dans mes propos, contente-toi juste mouiller le maillot. Ce soir on m'a confié la salle, l'ambiance va donc être spéciale. Cherche pas de sens dans mes propos, contente-toi de mouiller le maillot. Je vois des photos dans la foule qui se défoulent, des cadavres sur la piste qui s'enflamment comme du fuel. Des radars à la recherche de bombes boules, des fois ce Beyoncé qui ont le maquillage qui coule. J'ai pas le scellard de Beckham pour payer ma tournée, seulement les cordes vocales pour animer ta soirée. On est de sortie avec les sympas sorties, du whisky dans les artères pour être à la c'est parti. Prends les platines en main et chauffe-moi. L'essence est dans la place, c'est parmi nous, y'a pas de Zoska. Je joue tous mes classiques et demande au public une hola. La moitié me répond car l'autre est dans l'au-delà. Wow, je commence à ne plus tenir debout, défoncé au point de vérifier si j'ai toujours mes deux boules. J'suis oublié, putain, j'ai mal garé la Skoda et j'peux pas m'arracher, j'ai la gueule aussi verte que Yoda. Je veux entendre tout le monde dire, c'est chaud. Je veux voir sourire tout est bonheur. Eh mec, franchement, lourde soirée ce soir. Il y a trop de monde, ça franchement, fait plaisir. Franchement, c'est kiffant, ça. Eh les gars, plaisir. Les gars, Mathé Flo là, il est avec une cougar, putain. Il est encore. Il changera jamais, il se mettra toujours à l'aise comme ça, ce mec là. Eh Sofiane, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, écoute, il t'attend là, je crois. Attends, monte sur scène, vas-y, vas-y, écoutez. Mec de province ou d'ici, y'a pas d'importance. C'est le genre de son que t'apprécies pour t'être dans l'ambiance. Mec de province ou d'ici, y'a pas d'importance. C'est le genre de son que t'apprécies pour te mettre dans l'ambiance. Je veux entendre tout le monde dire, c'est chaud. Je veux voir sourire tout tes potos. Ça va, apparemment t'as passé la soirée aux toilettes. Matt. Non, mais allez.